prends en plus. Plus, plus, plus, plus. Yeah. J'ai pas assez de mesures, donc il faut que je sois bref. Que tu réchauffes dans le rap, et comme il faut du frais, appelle-moi le Zef. Pas assez de fraîche, pas assez de brèche pour percer, c'est comme faire des dreads. Y'a pas assez de mèches, pas assez de sang pour mes instrus. Pas assez de hampe, donc LRM reste un intrus. Pas assez de lumière, chaleur, et pas assez de sun. Pas assez de skunk, pas assez de feuilles, et pas assez de sun, non. Pas assez d'angle, bouche, carotte et cartouche. Pas assez de plaque à l'écran, ma parole, je ramène mes carlouches. Pas assez de taf pour les miens, ni les vôtres. Pas assez de place, donc on se marche les uns sur les autres. J'ai pas assez de scratch dans le rap français, pas assez de rimes de 16 avec des phrases pensées. Pas assez de temps pour dire tout ce qui manque ici, rouillard. Pas assez de bouillard, bitoula, il en faut bien plus qu'un chouïa. Si t'es pas à l'aise et t'en as pas assez, prends en plus. Sois rusé, balèze dans ta tête, maintenant tu sais. Donc prends en plus, prends en plus, prends en plus. Je t'ai dit, prends en plus. Si t'es pas à l'aise et t'en as pas assez, prends en plus. Sois rusé, balèze dans ta tête, maintenant tu sais. Donc prends en plus, prends en plus, prends en plus, prends en plus. Pas assez d'instru potable à mon goût, pas assez de numéro de portable. Si t'en as plein, je te prends tout. Pas assez sapé pour les videurs de club. J'ai pas assez de papier pour les contrôles de gueule. Et merde, toujours pas assez de buzz. Pas assez connu, donc rien que je squatte dans ma buzz. Pas assez dust. Tire pour rattraper le plus à l'heure. Toujours pas assez rapide dans la choura. J'suis qu'à de plus par heure. Pas assez de MO dans mon MP3. Pas assez de mémo chez les trades. Voilà mes prochaines proies. Pas assez de cahier en cours. Les profs pètent un plomb. Pas assez robuste, tu me disais. Mais là, j'suis remis d'aplomb. Tu dis qu'y a pas assez de notes dans nos mélodies. J'ai imposé mon hégémonie. C'est un D, c'est pas Sony. Je veux pas admettre qu'y en a pas assez. Maille à brasser, mic à casser, mais trop de poids cadenassé. Si t'es pas à l'aise, t'en as pas assez. Prends en plus, sois rusé, balèze dans ta tête, maintenant tu sais. Donc prends en plus, prends en plus, prends en plus. Je t'ai dit, prends en plus. Si t'es pas à l'aise et t'en as pas assez, prends en plus, sois rusé, balèze dans ta tête, maintenant tu sais. Donc prends en plus, prends en plus, prends en plus, prends en plus, plus, plus. Y'a pas assez de pince, monseigneur, pour les box. Pas assez de logs dans le stock pour satisfaire tous les dogs. Pas assez de Julia Chanel dans mes connaissances. Trop de chemin de croix et pas assez de balades de plaisance. Pas assez de gens honnêtes dans ce que tu crois connaître. Dis-toi tes plans, puis te laisse en plan au max dans le baromètre. Pas assez de qualité chez Leader Price ou G20. Y'a rien dans le frigo, donc le rêve s'éteint. Pas assez de gens de mon cartel, non leur bac. Pas assez de gens de vos labels, font les bacs à la Fnac. Mais juste nos bacs sur scène. Y'a pas assez de courageux, car trop on le trace être sur scène. Pas assez de tease. En reçoit, pas assez de meufs bien, on peut se permettre de ramener chez soi. Pas assez de studio d'enregistrement, pas assez de contrats en major alors qu'il y a plein de bons artistes. Non, si t'es pas à l'aise et t'en as pas assez, prends en plus, sois rusé, balèze dans ta tête, maintenant tu sais. Donc prends en plus, prends en plus, prends en plus. Je t'ai dit, prends en plus. Si t'es pas à l'aise et t'en as pas assez, prends en plus, sois rusé, balèze dans ta tête, maintenant tu sais. Donc prends en plus, prends en plus, prends en plus. Je t'ai dit, prends en plus. Prends en plus, hein. On nous donne rien, donc faut tout prendre. Y'a pas assez de ci, pas assez de ça. Cherchez tout prendre, vu. Hein, si t'es en chien, prends en plus, ouais. Si t'es en galère, hein, prends en plus, ouais. Il te manque des trucs, prends en plus. Prends en plus.